j'ai vu traîner Charles traîner avec Yves Montand. Mais ni le Montand ni le traîner ne voyaient comme j'étais content de voler comme les hirondelles par-dessus les grands cerfs-volants. Moi qui les prends pour des modèles, j'étais sur un tapis volant. J'étais sur un tapis volant. Moi qui n'ai pas fini mon temps, je suivais traîner et mon temps. Je traînais, je prenais mon temps au-dessus de mes îles montants, où je revois encore mon temps avec sa canne, son chapeau claque, qui faisait des claquettes dans les flaques. Je revois aussi le fou chantant. Je revois aussi le fou chantant. Tandis que mon temps m'entraînait, je suivais traîner en montant. J'ai dû penser à redescendre pour pas que mes ailes finissent en cendres. Mes piaves chantaient padam padam. Y'a pas de meilleur remontant quand on dit que Paris n'a pas d'âme. C'est pas vrai pour Ménilmontant. C'est pas vrai pour Ménilmontant. Mais tandis que je m'entraînais à voler avec Yves Montand, tandis que je prenais mon temps dans le sillage de Charles Traîné, Saint-Pierre m'a refermé sa porte, m'a plongé dans les feuilles mortes. Je suis allé vivre la fin de mon temps. Devine où a Ménilmontant. Devine où a Ménilmontant.